de Vivaldi. Hein. C'est Vivaldi. La Toumilanus Gérard est assez compliqué. Puis sa création au départ s'est beaucoup transformée. Sa membrane cloacale qui était tout petit se dilate et maintenant un grand fort de coups de bite. Il s'est découvert ce vice, non pas après laisser vivre, une torture perpétrée par un père obsédé. Mais c'est tout simplement en voyant son pénis qui s'y fait par un tel organe qu'il faudra qu'un jour je jouisse. Et c'est pourquoi maintenant il pratique la soudo irrégulièrement dans les chiottes de la loco. Pensant pas et à tort leurs séquelles éventuelles, il pratique ses rapports pour son plaisir personnel. Et chez lui ce qu'il existe, c'est l'odeur du sperme qui déclenche tout en lui des cascades d'oestrogènes. Et son premier essai qu'a été décisif, il trouve vraiment cela très positif. S'il en vient plus près, son trou du dilaté peut tout de suite y trouver toutes sortes d'aspérités. Un trou de petite vache qu'a l'énorme fissure, fruit d'amour consommé avec des braquemars trop durs. Et tout autant les poils, les petits races merdeux nous renseignent sur une hygiène peu scrupuleuse. Il y a une flore abondante au milieu des suppurations purulentes, des petits êtres vivants qui s'amusent et qui chantent. Et le trou du cul c'est rare qui ne connaît pas le papier qu'il devrait utiliser une fois qu'il a chié. Il a inventé une nouvelle maladie, c'est la chaude diarrhée au lieu de la chaude pisse. Et si elle y pouvait faire juste une fois un gros plan de son cul plutôt que sa face de rat, on pourrait comme savoir enfin le personnage, son plus beau profil enfin sous son vrai visage. Dans l'anus de Gérard, y'a un peu de tout ça. Et puis y'a un coton-tige dans l'anus de Gérard. Dans l'anus de Gérard, y'a un peu de tout ça. Et puis y'a un coton-tige dans l'anus de Gérard. Bon, ça y est, tu peux couper. Alors, je vais te dire une chose. Tu as ta cassette, tu vois, tu vas pouvoir ta carrer dans le cul. Pardon ? Oui. Mais il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, tu vois, tu as tout carré dans le cul. Pourquoi ? Parce que ta cassette, c'est pourri. Mais tu as. Ta cassette, c'est une chanson crétin. Ouais, crétin, attends, crétin toi-même, ça t'amuse de faire une chanson sur les gens ? La broutille. Sur ton cul. La broutille de service, va, allez, dégage. Salut à toi. Ouais, allez, ciao. Ouais, va te faire foutre. Très bien, bravo Fred. Je t'en remercie. Ah, j'en ai pleuré de rire tellement. Il faut voir comment Gérard était, comment il se l'a pété dans son fauteuil, mais vraiment, il s'y croyait complètement.